Il est 13h30, voici Histoire vivante. Très bel après-midi sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Les hommes sont les seuls qui développent une habileté de la main de façon aussi systématique et aussi caractérisée. Les races supérieures renferment très peu de gauchers. Au contraire, la gaucherie serait fréquente chez certaines races inférieures. Cette semaine, genre et latéralité. Dans le monde parfait, dans la cité de Dieu, auprès de Dieu, il n'y a pas de gauche. En fait, tout n'est que droite. Dieu n'est que main droite. Il n'y a que de la droite, en fait, au royaume céleste. Les minorités montent au créneau. Si le monde est véritablement gaucher à l'heure actuelle parce que nous sommes dans un drame, eh bien, c'est parce que nous vivons esclaves de nos enfers. Un gaucher, lui, il préfère sa main gauche à sa main droite. Pierre-Michel Bertrand, nous sommes avec vous toute la semaine pour évoquer l'histoire des gauchers à laquelle vous avez consacré un ouvrage paru voici quelques années chez Imago et sous-titré « Des gens à l'envers ». Avant d'aborder les questions de vocabulaire et de peinture qui seront au cœur de notre conversation du jour, vous écrivez « Droite et gauche, ce n'est pas pour définir, mais pour juger ». Et j'ose ajouter que j'ai souvent eu l'impression que c'était un jugement qui allait à sens unique, au sens où les gauchers, sans doute parce qu'ils étaient minoritaires, avaient tendance à ne pas la ramener, si j'ose dire, et à ne pas opposer aux droitiers l'étalage de leur majorité, qu'ils essayaient dans l'ensemble de se faire plutôt discrets, sauf évidemment ceux qui en tiraient, comme vous nous le disiez, quelques glorioles. Les gauchers se reconnaissent entre eux, peuvent discrètement y établir une forme de complicité ténue, mais ne la ramènent pas. Alors que, effectivement, il y a une volonté du côté des droitiers obtus, hein, on va pas mettre tous les droitiers évidemment dans la même catégorie, ce serait faire une généralité un peu abstraite, mais en tout cas, parmi les plus obtus, eux, ils jugent, ils nous jugent, ils vous jugent. Ah bah oui, là le vocabulaire est sans appel là-dessus. Il est clairement discriminant et clairement péjoratif pour tout ce qui a trait à la gauche et clairement amélioratif pour tout ce qui a trait à la droite. Hein. Vous savez qu'en latin, dexter, c'est à la fois droite, mais c'est aussi favorable. Et sinistère, donc sinistra pour la main gauche, c'est donc gauche, mais c'est aussi hostile, pervers, enfin bon, plein d'épithètes comme ça, assez dévalorisantes. Ça existe dans toutes les langues à peu près, ou alors des fois quand on trouve quelques exceptions, c'est un petit peu de l'antiphrase, notamment en grec, mais dans toutes les langues, et puis par exemple le français, l'ancien français était terrible là-dessus, hein, c'est-à-dire que c'est sénestre, donc il vient de sinistra, qui a donné sinistre, hein, encore aujourd'hui, le mot français sinistre, en fait c'est gaucher, une chose sinistre, c'est une chose gauchère, ce qui est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Et donc en effet, sénestre en ancien français, c'était fâcheux, sinistrer quelque chose, c'était gâcher, l'abîmer, ou mettre à sénestre, c'était négliger, etc., etc. Et on a même vu la main gauche être désignée, voilà, plutôt vers le XVIIe siècle, mais comme la main pote, P-O-T, même pas sans E, ou parfois, ça vous dit quelque chose, hein, main pote, c'est, voilà, c'est quelqu'un d'empoté, en fait, c'est quelqu'un qui a une main gauche, ou qui a deux mains gauches, d'ailleurs, l'adage est un petit peu resté. Et même voir la main pute, ce qui est assez curieux, la main pote, la main pute, ou la main manque, voilà, la main absente, en quelque sorte. Tout cela est clairement péjoratif, encore une fois dévalorisant, décrédibilisant, et vraiment pas du tout en faveur du gaucher, et surtout, enfin non, en faveur de la main gauche, et surtout, donc disais-je, certainement pas en faveur de ceux qui préfèrent leur main gauche à leur main droite, parce qu'en fait c'est ça le problème. En fait, la société droitière n'a rien a priori contre les gauchers. Le problème, c'est la main gauche. On l'a dit, la main gauche cristallise vraiment tout ce qu'il y a de mauvais, pour des raisons de symbolisation assez faciles à comprendre. Bon, ça, c'était un fait entendu. Il se trouve que les droitiers, vous n'ignorez pas, ont également une main gauche, hein, et les gauchers ont également une main droite. Le problème, c'est qu'un gaucher, lui, il préfère sa main gauche à sa main droite. C'est comme un acte de foi, c'est-à-dire qu'il préfère le mal au bien, il préfère le mauvais côté au bon côté. Voilà, on n'avait rien a priori contre lui, mais le fait qu'il montre cette inclination, cette préférence, voire ce soin manifeste pour quelque chose dont l'usage est tabou, qui devrait être honni, eh bien ça fait de lui en effet quelqu'un qui met un petit peu en péril l'ordre social. Par exemple, dans l'histoire, en fait, les gauchers n'ont été très peu inquiétés. Pourquoi ils ont été très peu inquiétés ? Certes, ils préféraient utiliser leur main gauche, donc cette mauvaise main, cette main diabolique, cette mâle main, comme on disait, hein, mais en fait, personne ne s'en apercevait, parce que la plupart des activités étaient bimanuelles. C'est-à-dire qu'un paysan, il tient sa houe, il tient sa pioche, il tient son outil de la main gauche et de la main droite, et puis personne n'y trouve à redire, tant que le travail est bien fait, voilà. C'est quelque chose que je dis pour un petit peu dédramatiser les choses, mais vous mettez un gaucher devant vous et un droitier juste à côté de lui, et puis on dit, voilà, devinez qui est le gaucher, qui est le droitier. Il n'y a aucun moyen de le savoir, hein. Contrairement à toutes les autres minorités, hein, que ce soit les roux, les nains, les gros, enfin, vous voyez, bon, vous mettez un gaucher et un droitier, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et donc, en fait, le gaucher ne pose pas de problème. C'est quand on va voir qu'il est gaucher, qu'il utilise sa mauvaise main, là, ça pose un problème. Et ça a été très longtemps comme ça. En fait, la discrimination, voire l'intolérance, les persécutions, je pense que le mot n'est pas trop fort, les persécutions envers les gauchers, c'est une invention très récente dans notre histoire. Après avoir déplié sa serviette, il faut avoir soin qu'on ait son assiette devant soi et que le couteau, la fourchette et la cuillère soient à la main droite afin qu'on les puisse prendre commodément. Il est contre la bienséance de tenir la fourchette ou la cuillère à pleine main comme si on tenait un bâton, mais on doit toujours les tenir entre ses doigts. Il ne faut aussi jamais les tenir de la main gauche lorsqu'on les porte à la bouche. Il est de la bienséance de présenter son assiette en la tenant de la main gauche et tenant le couteau ou la fourchette de la main droite pour appuyer dessus ce qui est servi en cas de besoin. Et il n'est pas supportable de manger avec ses deux mains, mais il faut porter les morceaux à sa bouche avec la main droite seule, et se servir de la cuillère ou de la fourchette pour y porter tout ce qui est frais, gras ou liquide. Il est tout à fait malséant de tirer de sa bouche avec les deux doigts ce qu'on ne peut avaler comme les os, les noyaux, les arêtes, etc. Et il est encore beaucoup plus de les laisser tomber de sa bouche, du haut en bas, ou à terre, ou sur son assiette, comme si on vomissait. Il est aussi malhonnête de les cracher sur son assiette ou dans sa main, mais il faut les recevoir honnêtement, avec la main gauche, la tenant à demi fermée, et les mettre sur son assiette sans que cela paraisse. La place où l'on doit mettre le morceau de pain qu'on a pour manger est le côté gauche auprès de l'assiette ou sur la serviette. Il est malhonnête de le mettre à droite, au devant ou derrière l'assiette. Mordre dans le pain est une chose si ridicule qu'il n'y a que des personnes mal élevées et d'une basse éducation qui en soient capables. Pour couper du pain, il faut le tenir de la main gauche et trancher de la main droite avec le couteau. Il est aussi malhonnête d'avaler les noyaux de fruits ou de les casser avec les dents, ou de les casser avec quelque autre chose pour en tirer l'amande. Il n'est pas aussi séant de les cracher sur son assiette, ou de les jeter à terre ou dans le feu, mais il faut les prendre de la main gauche à demi ouverte, et les mettre ensuite honnêtement sur son assiette. Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, 1703, Jean-Baptiste de La Salle. À propos d'outils, Pierre-Michel Bertrand, je me suis fait quelques réflexions. Alors évidemment, à titre personnel, le ciseau a longtemps martyrisé mes doigts, mais plus anciennement, la faux, faucher les champs, faucher les blés, faucher les herbes pour les fourrages, parce qu'il y a un sens de la lame, il y a un sens de la coupe, ça a forcément affecté le monde paysan. Alors, écoutez, je ne pense pas, tout simplement. D'abord, en tant qu'historien d'art, je connaissais bien l'enluminure, notamment médiévale. Figurez-vous que des gauchers, on en repère beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, on en repère beaucoup, notamment dans la population paysanne. Des gens qui, justement, qui fauchent un champ et vous avez un droitier d'un côté et en face de lui un gaucher. Ça, c'est assez fréquent. Je veux dire, y a aucun souci. Et c'est tout à fait intéressant. Deux personnes qui fauchent dans des sens opposés et peuvent faire front et sans se gêner. Enfin, ça peut être intéressant. Et un paysan qui... D'ailleurs, lui qui gaucher, droitier, visiblement, ça ne lui disait vraiment, c'est des distinguos qu'il ne faisait pas forcément. Lui se sentait mieux à tenir sa fourche dans tel sens plutôt que de tel autre. Il se fabriquait un outil à sa main, c'est tout. Et donc, un paysan du Moyen-Âge, gaucher, je pense même pas qu'il savait qu'il était gaucher. C'est la société industrielle, après, quand on a fait des choses un petit peu en série, des outils pour le plus grand nombre, et là, vous parliez des ciseaux tout à l'heure. En effet, on a tous souffert avec ça. C'est impossible d'utiliser un ciseau de droitier quand on est gaucher, quasiment impossible. Hein. On massacre le boulot. Mais pour ce qui est des outils, pour ce qui est des fossiles, alors un marteau, ça lâche, c'est ambidex, hein, autant que je sache. Mais voilà, on le faisait à sa main, on le fabriquait à sa main, et puis personne n'y trouvait rien à redire. Autrement dit, c'est vrai que tant qu'on est dans une ère qui n'est pas encore passée par l'automatisation, le phénomène même des normes laisse encore énormément de marge pour l'individu. À mesure que la norme, et Dieu sait si la norme industrielle est une norme particulièrement marquante pour le territoire et pour l'individu qui habite, là, il va falloir de plus en plus... Ça revient presque à une longue histoire de la conformité ou du conformisme qui se met en place au travers de cet exemple des gauchers et des droitiers. Oui, oui, oui, tout à fait. Mais très longtemps, et moi j'ai un cas personnel, je sais que dans les manufactures et encore les usines de la première moitié du XXe siècle, avant-guerre, en fait on a beaucoup recherché les gauchers parce que ça forme des équipes intéressantes avec un droitier, des couvreurs, voilà, par exemple les couvreurs, un gaucher peut aller mettre une ardoise ou une tuile à un endroit qui n'est pas facile pour un droitier, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'ostracisme à proposer. On peut parler dans le monde du travail, justement, et c'est vrai que c'est la machinisation, oui, qui a en fait un petit peu mis tout le monde au pas. La société industrielle est vraiment a marqué a sonné le glas pour la jante gauchère, hein, et durablement. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Pierre-Michel Bertrand, restons encore à l'étage du vocabulaire et un peu plus tard de la peinture. Esclanchier et destrier. Alors destrier, je pouvais m'en douter. Esclanchier, je dois vous avouer que je n'avais pas encore abordé le territoire. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner quelques éléments de compréhension ? Évidemment, destrier, c'est la droite. Et donc, à l'inverse, esclanchier, c'est la gauche. Ça vient d'où, ça ? Oui, alors figurez-vous, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, destrier, on ne qualifie pas le droitier. Dans les anciens textes, on ne voit nulle part, on parle pas du droitier, tout simplement parce que il est la norme, donc on n'a pas besoin d'un mot pour le désigner. Hein. En fait, destrier, c'est le cheval de bataille. C'est resté aujourd'hui. Pourquoi destrier ? Parce qu'on le tenait de la main dextre, hein, de la main droite, donc, parce que c'était noblesse oblige, si vous voulez, il fallait tenir ce cheval de la main droite. Donc il n'y a pas de terme pour... en ancien français, pas à ma connaissance en tout cas, pour désigner le droitier. Alors le terme esclanchier, en effet, et on le retrouve dans des textes médiévaux, il a une origine un petit peu obscure, visiblement il serait dérivé d'un vieux mot germanique assez péjoratif. Il est d'origine obscure, de tenir sa sonorité à quelque chose de désagréable, un esclanchier, pour parler d'un gaucher. On sent déjà, je ne vais pas m'avancer trop, je ne vais pas faire l'étymologue du café du commerce, mais on sent déjà quand même un petit peu le mépris pour cette catégorie. En tout cas, il y a besoin de trouver un mot pour le désigner, en effet, l'esclanchier. C'est celui qui n'est pas comme les autres. Si les codes, comme par exemple le code de la chevalerie, vont accentuer la droite comme étant le bon côté, est-ce que d'autres codes, et je pense évidemment au droit, vont à un moment ou un autre accompagner les droitiers et désigner les gauchers à une condamnation à venir, selon vous, Pierre-Michel Bertrand ? Oui, mais toujours selon le principe qui veut que la main droite soit la main honorifique, donc la main à honorer et celle qui va faire les belles choses. C'est vrai qu'on jure en levant la main droite, dans les pays où on jure en levant la main droite. Quand on pose sa main sur la Bible, on jure sur la Bible, on pose sa main droite et jamais sa main gauche. Hein. Tout cela, ce serait du parjure. En fait, jurer avec sa main gauche, c'est un parjure. On a des images du Moyen-Âge où on repère très clairement le parjure. C'est celui qui lève la main gauche au lieu de la main droite. Hein. Il est clairement désigné comme ça. Donc Michel Pastoureau, qui est un spécialiste d'iconographie médiévale, l'a très bien vu. Et d'ailleurs, il pense qu'il y a une panoplie du gaucher dans l'image médiévale, et c'est roux, très mal considéré, roux, jaune et gaucher. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui porte aussi la couleur jaune dans son vêtement, est clairement désigné comme une personne malfaisante. Et gaucher, donc dès lors que quelqu'un utilise sa main gauche dans des situations un petit peu où on nécessite d'utiliser sa main droite, en effet, et c'est vraiment une personne pas du tout recommandable. Mais vous savez, encore aujourd'hui, si on a un jour le plaisir de se croiser, ce que j'espère, c'est qu'on se serrera la main. Aussi gauchers soyons-nous l'un et l'autre, on se serrera la main en se tendant la main droite. Parce que, voilà, c'est l'usage, c'est la bonne main, on se tend la main, et tendre la main gauche à quelqu'un, d'abord ça le met un petit peu en porte-à-faux, parce que une main gauche et une main droite, ça ne s'emboîte pas, hein, ça ne s'emboîte pas bien, mais aussi ça met mal à l'aise. J'ai déjà remarqué, hein, tendre la main gauche à quelqu'un, ça le met, il a l'impression un petit peu comme un petit peu une moquerie, ou quelque chose, un manque de respect, c'est assez curieux. Toujours selon ce principe que c'est la main droite qui cristallise toutes les belles choses, tout l'honneur, le droit, la justice, la moralité, etc. Histoire vivante, les gauchers. Un jour, alors que j'étais à Rome, en train de dessiner l'arc de Tasse, vinrent à passer Michel-Ange et Sebastiano de Piombo, qui venaient du Colisée. Ils s'arrêtèrent pour me regarder, et quoiqu'ils fussent gauchers de naissance, comme ni l'un ni l'autre ne se servait de sa main gauche, sinon pour les travaux de force, ils restèrent un moment à s'émerveiller devant moi. Je crois en effet que jamais peintre ou sculpteur n'a travaillé de la sorte. Un jour, mon père et moi partîmes pour Carrare, où il m'emmena saluer un Espagnol du nom de Chivos qui souhaitait me passer une commande. Quand je fus devant lui, il me tendit la main droite pour que je la lui prenne et la lui baise. Moi, qui n'étais pas sorti depuis longtemps et qui ignorais ce qu'il fallait faire dans pareil cas, je ne fis rien de cela et lui tendis simplement ma main gauche comme cela m'était naturel. Il retira alors la sienne, offensé, me disant que j'étais mal élevé et qu'il n'était pas un homme sans valeur. Très gêné, je m'excusais et lui expliquais qu'en plus d'être ignorant des usages du monde, j'étais gaucher depuis la naissance. J'en fis tant qu'il s'amadoua. Il me tendit de nouveau la main, je la lui saisis cette fois de la main droite en lui demandant pardon de ma maladresse. Raffaello de Montelupo, sculpteur, architecte. Pierre-Michel Bertrand, je reviens à cette question du droit. J'ai relevé dans votre ouvrage « Histoire des gauchers » que les crimes les plus graves, tout au moins pendant un temps, ont été punis par le châtiment du poing droit tranché. Quel crime ce châtiment recouvrait-il ? A-t-on à peu près la période où ces châtiments étaient accomplis ? Pourriez-vous peut-être nous donner le moment où ces châtiments n'ont plus cours et que on est revenu à à des châtiments peut-être plus équilibrés ou tout au un moins peu plus, un peu plus civilisés, affligeant moins le côté droit. Non, bah écoutez, c'était des peines, des châtiments médiévaux, hein, de même que la flétrissure qui consistait à marquer le condamné d'une marque au fer rouge, elle se faisait sur l'épaule droite, c'est-à-dire que en fait toucher la droite, c'est un caractère infamant. Pour qu'une peine soit bonne, en tout cas soit juste et qu'elle ait des effets, il faut en effet frapper chez celui qui en est l'objet, frapper le bon côté. C'est un petit peu le déchoir de son humanité. Mais bon, vous savez que l'amputation de la main droite est un châtiment qui se pratique encore de nos jours dans certains pays fondamentalistes. Et les voleurs, les parjures, les mécréants, on leur coupe la main droite, voire le pied droit. Mais de préférence le droit, en effet. Hein, on le laisse avec sa gauche, on le laisse avec cette infamie. Et donc chez nous, ça, en fait, ça a été assez vite aboli. Après, je pense que ça a été appliqué de manière plus symbolique. C'est-à-dire que ça fait partie des condamnations, mais est-ce que ça a été mis en pratique? Je ne suis pas bien sûr. Mais au 19e siècle, le châtiment du point droit est encore prononcé pour les crimes les plus graves, les meurtres d'enfants, les infanticides, les parricides, etc. Mais je ne pense pas qu'il ait été mis en pratique. Enfin, il faut noter minutieusement l'état des lieux et du cadavre. Rechercher des traces de violence, soit dans les objets environnants, soit sur la victime elle-même. Examiner si cette dernière porte des plaies de défense. Et enfin, enregistrer soigneusement les empreintes, les taches et les coups d'ongles. Ces derniers seront surtout très importants dans les cas de strangulation ou d'asphyxie par pression de la main sur la bouche et sur le nez. C'est ainsi que sur le cadavre d'un enfant nouveau-né, mort par strangulation, M. Tourde retrouva à la partie antérieure du cou les traces de 5 doigts disposés de telle manière que la main gauche devait forcément les avoir produites. La mère était gauchère. Et cette particularité devint une des preuves accablantes du crime qui fut avoué. Pierre-Michel Bertrand, votre histoire des gauchers parue chez Imago, des gens à l'envers, a en couverture la représentation d'un tableau d'un peintre hollandais. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le loisir d'avoir le livre dans leur bibliothèque et qui ne le connaissent pas, pourriez-vous nous faire la présentation du tableau en question et nous expliquer la nature du choix de ce tableau? Alors, c'est pas un peintre hollandais, c'est un peintre flamand, mais vous étiez tombé pas très loin. En effet, Hugo van der Goes, qui est un peintre du 15e siècle flamand, hein, la deuxième génération des peintres flamands, qui représente, en effet, c'est une scène très classique de péché originel, c'est-à-dire qu'on voit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Ève est en train de cueillir une pomme qu'elle va tendre visiblement à Adam, sous le regard très attentif et très sournois et très inquiétant d'une sorte d'iguane, donc incarnation du démon. Mais il se trouve que ce tableau qu'on peut voir à Vienne en Autriche, est intéressant parce que le peintre a tout fait pour montrer que ce péché originel, qui entraînait la chute donc de l'humanité tout entière, en fait est un péché de gaucher. Et vraiment, il a tout fait pour nous montrer que c'est vraiment la gauche qui crée cette rupture de contrat avec Dieu. Et donc, bien évidemment, Ève va chercher cette pomme de la main gauche, mais elle fait une sorte de torsion du corps pour utiliser sa main gauche, hein, plutôt que sa main droite. C'est-à-dire qu'elle va chercher une pomme qui est derrière elle sans se retourner, et elle va la retendre à Adam qui lui tend également sa main gauche pour la recevoir, cette pomme. C'est tout à fait frappant. Mais ce qu'il y a de très frappant surtout, c'est que cet arbre au milieu du tableau, le fameux arbre du bien et du mal qu'on voit dans la Bible, il est juste au milieu du tableau et en fait il sépare le paysage c'est ce que Panofsky appelait un paysage moralisant, c'est-à-dire qu'il sépare le paysage en deux parties. Il y a une partie du côté de la droite, la droite en tout cas des personnages, hein, mais la gauche pour nous, là, du côté de la droite, c'est l'Éden, hein, c'est le paradis terrestre, et tout ça, c'est très joli. Et de l'autre côté, du côté de la gauche, la main est passée dans le côté gauche, là, où se tient justement cette espèce de démon reptilien. Et ben le paysage prend des teintes. Alors la ligne, c'est très curieux d'ailleurs à regarder. C'est-à-dire que la ligne d'horizon est surbaissée, les teintes sont beaucoup moins agréables à l'œil. Enfin, on sent que voilà, il y a ce passage de la gauche dans la topographie du monde, cette irruption en effet de la gauche, du péché gaucher dans cette belle ordonnancement qui était le paradis terrestre avant la chute, eh bien ça transforme le paysage. Et ce qui est aussi très amusant, c'est pas toujours facile de décrire un tableau comme ça, mais ce qui est très amusant à voir, c'est que en contrebalancement, en contrepoint, si je puis dire, du geste d'Ève, qui va avec sa main gauche chercher une pomme dans l'arbre du côté gauche, donc du mauvais côté, donc il y a, faut imaginer donc l'iguane, le démon qui est là près de l'arbre et qui regarde ça avec des yeux qui brillent quasiment et dit ça y est, c'est bon, et lui, il laisse subrepticement passer sa queue du côté droit. C'est-à-dire qu'il y a une interpénétration comme ça des deux côtés. C'est-à-dire que, voilà, en fait, c'est l'image du chaos. C'est-à-dire que dès lors que la gauche est arrivée dans le monde, le chaos est arrivé avec... Et ça recoupe, en fait, ce que disaient les théologiens, ce que disaient les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Jérôme en premier chef. C'est-à-dire que, dans le monde parfait, dans la cité de Dieu, auprès de Dieu, il n'y a pas de gauche. En fait, tout n'est que droite. Dieu n'est que main droite. Il n'y a que de la droite, en fait, au royaume céleste. Vous voyez, c'est quand même très étonnant. Mais ici-bas, la gauche, en effet, est arrivée depuis ce jour, ce fameux jour du péché originel. Voilà. Pierre-Michel Bertrand, historien. Cette question des latéralités, vous qui avez fait histoire de l'art, elle vous est exposée très tôt dans votre apprentissage de l'histoire de l'art. Est-ce qu'on vous met devant très rapidement la lecture et l'interprétation des tableaux, et notamment je pense aux œuvres médiévales, voire de la Renaissance, pour vous faire comprendre la symbolique des côtés? Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui est bien connu, enfin en tout cas mal exploité quand même, puisque je vous dis, j'en ai fait l'objet de ma thèse pour essayer d'approfondir tout cela, mais en effet, on sait depuis longtemps que les côtés, comme vous dites, les côtés dans un tableau ne sont pas équivalents. C'est-à-dire que ce qui est à gauche ne vaut pas ce qui est à droite et réciproquement, mais des fois pour des raisons tout simplement de lecture, des lectures d'une œuvre. Hein. On sait que la façon, alors là c'est de la psychologie, de la neuropsychologie, c'est-à-dire qu'on regarde un tableau, on rentre dans un tableau, un petit peu comme on lit un texte, c'est-à-dire qu'on rentre par la gauche et puis on le lit, on continue de le lire vers la droite. Donc ce qu'il y a sur le côté gauche n'a pas le même poids psychologique déjà que le côté droit. Et après vient se greffer là-dessus en effet des considérations symboliques qui veulent que le côté droit c'est le bon côté. Alors quand on place des personnages, alors des fois c'est très compliqué hein, parce que voilà, il faut respecter une sorte d'ordre de préséance, il faut mettre les bons personnages du bon côté. Alors l'exemple le plus frappant que tout le monde connaît, c'est la crucifixion. Vous avez le Christ au milieu avec les bras en croix, et à sa droite il y a les bons personnages, en tout cas les meilleurs, et à sa gauche les mauvais ou les seconds couteaux, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple une crucifixion à trois personnages, très simple, hein, le Christ, d'un côté la Vierge Marie, de l'autre côté Saint Jean l'évangéliste, hein, ça c'est la base de toutes les crucifixions et les calvaires qu'on trouve dans nos campagnes, notamment en Normandie, n'est-ce pas, vous allez toujours avoir la Vierge Marie du bon côté du Christ. Hein, toujours à sa droite, à la droite du Christ, donc à la gauche pour nous. Et le Saint Jean-Baptiste, qui est hiérarchiquement inférieur à la Vierge, est toujours du côté gauche. Enfin, quand je dis toujours, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, c'est symbolique et qui est très, très prégnante au Moyen-Âge, à laquelle on n'aurait absolument pas dérogé. En fait, elle s'est filochée avec le temps et on trouve des crucifix du 19e où les personnages sont volontiers inversés. Et je pense qu'ils sont inversés parce qu'en fait, on utilise comme modèle des gravures de tableaux qui, elles-mêmes, vous avez une gravure, c'est comme un miroir, c'est-à-dire ça représente une vision inversée en fait de la réalité. Et donc les sculpteurs, en s'inspirant de gravures inversées, ont perpétué ce qui était une erreur, qui aurait été vraiment un sacrilège au Moyen-Âge de mettre la Vierge Marie à la gauche du Christ. Vraiment un sacrilège, ça c'est impensable. Pierre-Michel Bertrand, on se retrouvera demain pour la suite de ces entretiens avec un nouvel épisode qui tournera à une époque où ça semble un tout petit peu tout de même s'améliorer. Je l'ai appelé l'âge de la tolérance, et nous entamons d'ailleurs cet épisode avec une citation au burlesque involontaire signée James Crichton Brown. À demain, Pierre-Michel Bertrand.